Matthieu chapitre 13. Ce même jour-là Jésus, étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. Et de grandes troupes s'assemblèrent autour de lui, c'est pourquoi il monta dans une nacelle, et s'assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur parla de plusieurs choses par des similitudes, en disant, « Voici, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Et une autre partie tomba dans des lieux pierreux, où elle n'avait guère de terre, et aussitôt elle leva, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Et le soleil s'étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Et une autre partie tomba entre des épines, et les épines montèrent, et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans une bonne terre, et rendit du fruit, un grain en rendissant, un autre, 60, et un autre 30. Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. Alors les disciples s'approchant, lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu par des similitudes ?» Il répondit, et leur dit, « C'est parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que, pour eux, il ne leur est point donné de les connaître. Car à celui qui a, il sera donné, et il aura encore plus, mais à celui qui n'a rien, cela même qu'il a, lui sera ôté. C'est pourquoi je leur parle par des similitudes, à cause qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent point, et ne comprennent point. Et ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe, qui dit, « En entendant vous entendrez, et vous ne comprendrez point, et en voyant vous verrez, et vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple est engraissé, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ont cligné de leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais vos yeux sont bien heureux, car ils voient, et, vos oreilles sont bien heureuses, car elles entendent. Car en vérité, je vous dis, que plusieurs prophètes et plusieurs justes, ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont point vues, et d'ouïr les choses que vous entendez, et ils ne les ont point ouïes. Vous donc, écoutez le sens de la similitude du semeur. Quand un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend point, le malin vient, et ravit ce qui est semé dans son cœur, et c'est là celui qui a reçu la semence auprès du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans des lieux pierreux, c'est celui qui écoute la parole, et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même, c'est pourquoi il n'est qu'à temps, de sorte que dès que l'affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a reçu la semence entre les épines, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais l'inquiétude pour les choses de ce monde, et la tromperie des richesses, étouffe la parole, et elle devient infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui écoute la parole, et qui la comprend, et porte du fruit, et produit, l'un 100, l'autre 60, et l'autre 30. Il leur proposa une autre similitude, en disant, le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. Et après que la semence fut venue en herbe, et qu'elle eut porté du fruit, alors aussi parut l'ivraie. Et les serviteurs du père de famille vinrent à lui, et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Mais il leur dit, « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu donc que nous y allions ?» et que nous cueillons l'ivraie ? Et il leur dit, « Non, de peur qu'il n'arrive qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble, jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie, et la liez en faisceau pour la brûler, mais assemblez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre similitude, en disant, « Le royaume des cieux est semblable au grain de semences de moutarde, que quelqu'un a pris et semé dans son champ, qui est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand il est cru, il est plus grand que les autres plantes, et devient un arbre, tellement que les oiseaux du ciel y viennent, et font leur nid dans ses branches. » Il leur dit une autre similitude, « Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prend, et qu'elle met parmi trois mesures de farine, jusqu'à ce qu'elle soit toute levée. » Jésus dit toutes ces choses aux troupes en similitude, et il ne leur parlait point sans similitude, afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par le prophète, en disant, « J'ouvrirai ma bouche en similitude, je déclarerai les choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. » Alors Jésus ayant laissé les troupes, s'en alla à la maison, et ses disciples vinrent à lui, et lui dirent, « Explique-nous la similitude de l'ivraie du champ. » Et il leur répondit, et dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, et l'ivraie, ce sont les enfants du malin. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. Comme donc on cueille l'ivraie, et on la brûle au feu, il en sera de même à la fin de ce monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui cueilleront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise du feu, là il y aura des pleurs, et des grincements de dents. Alors les justes reluiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, lequel un homme ayant trouvé, l'a caché, puis, de la joie qu'il en a, il s'en va, et vend tout ce qu'il a, et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de bonnes perles, et qui ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé, et a vendu tout ce qu'il avait, et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et amassant toutes sortes de choses. Lequel étant plein, les pêcheurs le tirent en haut sur le rivage, puis s'étant assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans leur vaisseau, et jettent dehors ce qui ne vaut rien. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront, et sépareront les méchants d'avec les justes, et les jetteront dans la fournaise du feu, là il y aura des pleurs, et des grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Et il leur dit, « C'est pour cela que tout scribe, qui est bien instruit pour le royaume des cieux, est semblable à un père de famille, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Et quand Jésus eut achevé ses similitudes, il partit de là. Et étant venu en son pays, il les enseignait dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils en étaient étonnés, et disaient, « D'où viennent à celui-ci cette science et ces vertus? Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères ne s'appellent-ils pas Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où viennent donc à celui-ci toutes ces choses? Tellement qu'ils étaient scandalisés en lui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est sans honneur que dans son pays, et dans sa maison. Et il ne fit la guerre de miracles, à cause de leur incrédulité.